Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. En juin 1857, Charles Baudelaire publie Les fleurs du mal. L'odieux y coudoie l'ignoble, le repoussant s'y allie à l'affect. Peut-on lire, non dans les poèmes de Baudelaire, mais dans la critique qu'en fait le Figaro, qui qualifie le livre d'hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit et à toutes les putridités du cœur. Quelques mois plus tard, un procès en moralité est instruit contre lui. Le procureur Pinard, ça ne s'invente pas, demande la condamnation du recueil de poèmes pour offense à la morale publique, la morale religieuse et aux bonnes mœurs. Le poète est condamné à 300 francs d'amende et à la suppression de 6 poèmes. Baudelaire, lui, est content. Enfin, presque. Il écrit à sa mère au moment de la parution de la seconde édition « Pour la première fois de ma vie, je suis presque content. Le livre est presque bien et il restera comme témoignage de mon dégoût et de ma haine de toute chose. » Alors comment être poète dans un monde sans idéal? Et comment imaginer une beauté moderne qui ne serait plus dépositaire de l'idée de l'absolu? Les poèmes de Charles Baudelaire sont avec nous jusqu'à 11h, n'en déplaise à Eugène Ionesco. Je savais que c'était bien Baudelaire. Et puis je l'ai relu il y a quelque temps et tout d'un coup ça m'a déplu. Il m'a semblé rhétorique, creux, une conception de la beauté tout à fait classique. Je le condamne en bloc, oui, je crois qu'il est artificiel, qu'il a une conception de la beauté tout à fait conventionnelle, une conception de la laideur tout à fait artificielle, et il a le sentiment du péché, enfin, ça n'existe plus. Il est habité par un remords qu'il combat, mais il l'a encore. Il y a les bons, il y a les méchants, ses visions d'enfer. C'est vraiment une mythologie tout à fait rudimentaire et dépassée. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange, ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements. Quand vous irez sous l'herbe et les fleurs en grâce, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites de la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine. De mes amours décomposés. Bonjour André Guyot. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. C'est un plaisir de parler de Baudelaire avec vous ce matin. Vous êtes professeur de littérature française du 19e siècle à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Vous avez beaucoup écrit sur Baudelaire, aussi un peu sur Rimbaud. On verra si on en parle ce matin. Connaissiez-vous cet extrait de Ionesco en 1967? Hélas, oui. Alors, que lui répondez-vous lorsqu'il dit que Baudelaire a une conception classique et conventionnelle de la beauté? Mais c'est faux. C'est faux, mais argumenté. Oui, bien sûr. Il n'est pas le premier, hein, Ionesco. Ouais. Je pense qu'il est un petit peu dans la suite de ce journaliste du Figaro là que vous citiez pour inaugurer l'émission, qui dit bien qu'il y a une tradition qui s'est créée aussitôt après la publication des Fleurs du Mal et qui vient jusqu'à nous et sans doute au-delà de nous, qui consiste à ne pas bien comprendre. Je crois que c'est ça le problème. Où est Baudelaire, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'il pense? Bon, le contresens de Ionesco est un petit peu grossier. Il dit que, je crois, le remords n'existe plus, le mal n'existe plus, mais... Bon, péché. Le péché, mais c'est un autre mot pour le mal. Il n'a qu'à regarder autour de lui. Il me semble que le mal existe toujours, et d'une manière même presque proliférante. Et Baudelaire avait vu. Surtout s'il y a bien une chose qu'on peut commencer par dire à propos de la conception que Baudelaire a de la beauté, c'est qu'elle n'est ni classique ni traditionnelle. Absolument pas, il intègre... Oui. Au sein de la beauté, des éléments qui avant n'en faisaient pas partie, comme le laid, la boue, le monstrueux, le macabre. Oui, on peut dire que même Baudelaire est le porte-parole d'un courant qui commence un peu avec lui, anti-classique. La France romantique est néoclassique, hein, il faut le savoir, n'est-ce pas? Elle a une coquetterie vers le baroque et une pensée très forte vers le gothique, mais elle reste fidèle à l'esprit de Raphaël, du néoclassicisme. C'est la France de David et d'Ingres. Et Baudelaire aime bien ça. Ce n'est pas quelque chose non plus dont il ne veut pas. Mais il est extrêmement sensible à d'autres formes de la beauté qu'il trouve notamment dans la peinture. Qu'il trouve chez Delacroix, puis qu'il trouvera ensuite chez Manet. Si vous prenez dans Les Fleurs du Mal ce fameux poème en strophe, là, Les Phares, où il y a Rubens, Vinci, Puget, jusqu'à Delacroix, eh bien, ce sont de grands artistes qui ont un rapport à la beauté qui ne me paraît pas classique. Ils ont tous quelque chose de baroque, je dirais. Rubens en particulier, peut-être Rembrandt aussi, Puget certainement. Et voilà, et Baudelaire, et c'est eux qu'ils désignent parmi les phares, et pas Raphaël, et pas même David. Donc il est un des fondateurs d'une sensibilité vers, comme vous disiez, un peu de laideur dans la beauté. On peut dire en tout cas que la beauté hante Baudelaire, oui. Elle est présente dans toutes les pages quasiment des Fleurs du Mal, il la personnifie, elle vient s'adresser à lui. C'est d'abord un problème pour lui la beauté. Oui, mais je dirais que c'est son seul sujet au fond. Il est pour simplifier, il ne faut jamais trop simplifier avec lui, mais enfin, je dirais qu'il y a deux sujets qui l'obsèdent, c'est la beauté et le mal. J'ai l'impression que son idée est de les relier, c'est-à-dire de mettre le mal dans la beauté et de faire en sorte qu'on guérisse le mal par la beauté aussi, puisque la beauté est la réponse au mal, la seule qui vaille. C'est ce qu'il dit hein, dans le projet de préface aux Fleurs du Mal. Des poètes illustres s'étaient partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant et d'autant plus agréable que la tâche était difficile d'extraire la beauté du mal. Oui, exactement. Voilà, il le formule magnifiquement. Oui. Voilà, on peut pas dire mieux. Hein, oui. C'est le projet poétique, mais ça veut dire que c'est d'abord le mal qui le fait écrire. Voilà. Et la beauté serait une guérison possible. Voilà, le mal sur lequel nous nous interrogeons, lui ne se pose pas la question qui nous est sans doute familière de savoir si, pourquoi le mal existe et comment ça se fait que Dieu qui a tout créé a créé le mal. Il constate le mal, il l'observe, il en fait son sujet et d'ailleurs il décide d'intituler son recueil de poèmes « Les fleurs du mal ». Il y a beauté dans fleurs, je crois, il y a le mal, donc les deux choses sont jointes. À nouveau, et il ne voit pas d'autre réponse possible à tout ce qui procède du mal, c'est-à-dire aussi la mélancolie, la souffrance, la douleur, la persécution, etc., que l'art. Et l'art, c'est la forme de la beauté. On va essayer de voir comment il s'y prend. En prenant un exemple, on a entendu un extrait de la chanson que Léo Ferré a proposé à partir d'une charogne. Voici le texte, une charogne, lue par Georges Clès. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Cette sublime lecture d'une charogne de Baudelaire par Georges Clès, c'est sur France Culture que vous l'écoutez, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons de beauté cette semaine et aujourd'hui de la beauté chez Baudelaire en compagnie d'André Guyot. Vous connaissez le texte par cœur, j'imagine, non, André Guyot, oui. Depuis le temps. Est-ce que vous arrivez encore à chaque fois à entendre quelque chose de nouveau? Oui, sans doute. C'est une question que Baudelaire se poserait, du nouveau. je pense que l'idée, on l'a comprise, hein. Je vais peut-être la rappeler en deux mots, mais les mots suggèrent toujours quand on les réentend, ils sont tellement porteurs d'images et d'idées que oui, le renouvellement vient à chaque syllabe, bien entendu, chaque fois qu'une lecture est faite. Et puis une lecture n'est jamais une autre lecture. Celle que je viens d'entendre, je ne l'avais jamais entendue, par exemple, par Claes, donc c'est très beau, oui, c'est ça. Le poème commence, il s'adresse à son âme, et à la fin, il s'adresse, il dit « Oh ma beauté, beauté. !» Comme l'irruption de la beauté dans ce poème, qui est quand même dégoûtant, disons-le. Baudelaire n'épargne pas le lecteur, il parle de puanteur, de moisissure, de putréfaction. C'est l'effet recherché. Oui, c'est l'effet recherché, et en même temps, c'est un objet de malentendu, ce poème, depuis le début, parce que... On est extrêmement sensible, inévitablement, à ce qu'il veut suggérer, hein, parce qu'on appelle l'hypotypose, hein, qui reconstruit l'objet sous nos yeux avec des mots pour qu'on le voit mieux encore. Et donc, il provoque, là, une réaction. Mais en même temps, il peut y avoir un malentendu qui s'est déclaré dès le début. On a cru qu'il ne faisait que provoquer, qu'il y avait un excès de réalisme, qu'il voulait choquer. Même, on a plaisanté sur le sujet en disant il promène sa femme, sa dulcinée, sa bien-aimée, et il lui montre quelque chose qui sent mauvais, qui est horrible, etc. Quelle galanterie, mon Dieu, etc. En lui disant tu finiras comme elle. Voilà, et on oublie l'idée qui est une idée philosophique, théologique, c'est-à-dire voilà, c'est une idée qui est chez les poètes baroques déjà, même un peu chez Ronsard, c'est-à-dire on va devenir ça. Vous qui êtes si belle, que je courtise et que j'aime, eh bien vous allez c'est mignonne, allons voir, mourir un jour et pourrir comme d'autres corps et comme cette charogne. C'est une idée métaphysique, c'est une idée un peu ironique aussi, et très forte, et irrésistible. Alors, la vraie progression, je crois qu'elle est là, plutôt que dans l'hyper-réalisme qu'on perçoit, peut-être en faisant une lecture un peu naïve du poème. Parce qu'il souhaite nous mettre la mort devant les yeux. Ah oui, voilà, c'est ça. Sans savoir ce qu'elle réserve, hein, puisque à la fin du poème testamentaire des Fleurs du Mal, le voyage, il dit « Enfer au ciel, qu'importe, pourvu que je trouve du nouveau !» Et la mort est une promesse de quelque chose de nouveau, oui. C'est en ça que vous dites que c'est une position quasiment philosophique, c'est nous mettre face à la mort pour mieux savoir de quoi la vie est faite, à savoir qu'elle est finie. Je dirais même théologico-philosophique, parce qu'il y a Dieu derrière, hein, là, il y a le monde créé, il y a tout qui disparaît et l'âme qui survit. Il y a Dieu derrière, pourtant Baudelaire a du mal avec l'absolu, il essaye d'écrire pour faire la peau à cette idée d'absolu, non ? Oui, il est ambigu sur ce sujet, il me semble. C'est quelqu'un, Baudelaire, qui dit que Dieu existe au point que il n'a pas vraiment besoin d'exister pour régner, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais c'est au fond de sa pensée religieuse, je crois. C'est-à-dire, il constate le règne de Dieu, ça lui suffit, et ce règne vaut existence en quelque sorte. Qu'est-ce qui le préoccupe le plus, parce qu'on va comprendre ainsi l'importance de la beauté, c'est le péché, le mal, le péché, ou l'ennui? L'ennui est une forme du péché. L'ennui est la marque sur l'homme moderne, qu'il incarne bien, sur le poète même jusqu'à un certain point, la mélancolie, si vous voulez, du péché originel. C'est-à-dire le péché originel se manifeste de toutes sortes de manières. Il peut aussi se cacher, ne pas se faire voir. Mais l'ennui est une des formes du péché originel sur l'homme moderne, affectant si l'homme est mélancolique, c'est parce que, d'une certaine manière, il se souvient de la chute. Voilà. Et donc à la fois, il pense l'homme pécheur, d'un point de vue religieux, et de l'autre côté, il pense l'homme moderne, qu'il regarde, son contemporain. Il tient les deux. Oui, parce qu'il y a l'art aussi, il y a la beauté justement entre les deux. Il faut dire, je crois, il faut rappeler cette idée pour bien comprendre Baudelaire, qui est une idée toute simple et qui nous provoque encore, si je reprends votre mot, qu'il considère que les trois grands concepts, le vrai, le bien et le beau, ne s'impliquent pas l'un l'autre. C'est-à-dire ils peuvent se coordonner, mais ils ne communiquent pas l'un avec l'autre, si vous voulez. Il dit, à un certain moment, il théorise tout ça, il dit, c'est une invention de la philosophaillerie moderne, hein, nous sommes tous visés encore, je crois, hein, c'est-à-dire de programmer la confusion, il appelle ça l'hérésie de l'indissolubilité du vrai, du beau et du bien. Et il explique que le vrai a son domaine, qui est la science d'ailleurs, voilà, il faut trouver la vérité dans certains domaines, que le bon a son domaine, la morale, et que le beau a son domaine, l'art, et que c'est une hérésie de penser que le beau, là, veut communiquer avec le bien. En ça, il est absolument anti-platonicien. Oui, et il est contre nous, hein, parce que je pense qu'on fait tout le contraire. Dans toute la vie, on essaye de trouver du bien dans du beau. Hein. Je crois que c'est le... Mais je crois qu'en même temps qu'il a raison. C'est vrai ? Oui, il me semble. C'est pourquoi ? Ça. C'est difficile à accepter, mais je crois qu'il a raison. Vous savez, quand il y a des querelles littéraires sur des écrivains qui ne se sont pas bien conduits, etc., on peut penser à cette idée de Baudelaire. C'est-à-dire que le beau et le bien sont séparés. Qu'il y a quelque chose, il y a une frontière infranchissable, selon lui, entre eux. Il dit ça dans un article, un de ses premiers articles sur Gautier, parce qu'il veut défendre Gautier, qui justement, Théophile Gautier, oui, au contraire de quelques autres, au contraire de Victor Hugo en particulier, est sensible à la nécessité de l'isolement du beau dans son domaine, de l'autonomie de l'art, comme on dit à l'époque. Hein. Et Baudelaire est extrêmement sensible à ça, il le défend avec une sorte... presque un esprit corporatiste. Hein. C'est les poètes, les artistes qui doivent se défendre en défendant le beau à l'exclusion de tout autre message. Ce qui lui fait dire aussi que l'enseignement est une hérésie, qu'on n'enseigne pas le beau. C'est quelque chose qui ne peut pas s'enseigner, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qu'on reçoit, qu'on cultive. Mais d'ailleurs, Baudelaire a probablement une sorte d'allergie qui vient de son enfance à l'enseignement. Il croit que... ce qui est essentiel ne peut pas s'enseigner. Oui, il le dit, hein, tout le monde conçoit sans peine que si les hommes chargés d'exprimer le beau se conformaient aux règles des professeurs jurés, oui, le beau lui-même disparaîtrait de la terre. Oui. Puisque tous les types, toutes les idées, toutes les sensations se confondraient dans une vaste unité, monotone et impersonnelle, immense comme l'ennui et le néant, la variété, condition sine qua non de la vie, serait effacée de la vie. Et ensuite, oui, il propose la définition, le beau est toujours bizarre. Bizarre, voilà. Et pour bien comprendre cette petite phrase, hein, qui a des équivalences, et il ne la répète pas telle qu'elle, mais enfin, il la redit sous d'autres formes, il ne faut pas comprendre que le bizarre est quelque chose qui peut s'ajouter au beau, et que le beau touché par le bizarre reste quand même le beau. Il faut penser que le bizarre s'intègre au beau, qu'il est nécessaire au beau, qu'il est en lui. Bizarre, ça veut dire sans règles. Qu'est-ce que veut dire bizarre ? Marqué par la chute, je reviens à cette idée. Vous savez, quand il donne sa définition du beau, c'est un texte peut-être qu'on va lire tout à l'heure. Il dit, c'est l'ange blessé, c'est-à-dire la souffrance, la douleur, la marque du mal. Et le bizarre est quelque chose d'analogue, oui. Je pense que moi, je comprends comme ça, en tout cas. Donc, d'un point de vue plus théologique, alors, dans ce cas? Oui, mais ça peut être aussi, on peut le voir d'une manière pratique. Bizarre, c'est qui surprend, c'est qui n'est pas classique, c'est qui est un tout petit peu difforme, qui peut aller jusqu'au monstrueux. Et un poème qui s'appelle La Géante, hein, dans Les Fleurs du Mal, on voit bien qu'il y a une libido qui passe par cela. Et Baudelaire était un peu sur un plan privé, militant de certaines formes de beauté dans la vie. Oui. Il a souffert du fait que son amie Jeanne Lemaire ou Jeanne Duval, suivant le nom qu'on lui donne là, n'était pas considérée comme belle. Et lui, il la considérait comme belle. Et il dit à un certain moment, il rencontre une autre femme en Belgique là qui rappelle sans doute Jeanne, qui s'appelait Madame Muller, dont on ne sait rien. Et il dit, le peuple n'aime pas la beauté, Jeanne et Madame Muller. Voilà. Et les témoins, ceux qui ont connu Jeanne, sont un peu partagés, en effet. Certains disent, comme Praron, elle était difforme, elle marchait mal, elle surprenait, elle était d'un genre de beauté atypique. Maintenant, on y serait peut-être plus sensible. Et seul Théodore de Banville dit, elle était très belle. Donc, il est de l'avis de Baudelaire. Là, on en arrive à une autre forme de provocation de la part de Baudelaire quand on lit ces textes aujourd'hui. Oui. C'est qu'à l'égard de la beauté féminine ou de la beauté de la femme, il est sans appel. La beauté est du côté de l'artifice, elle est du côté, oui, du maquillage. Voici la définition du beau qu'il propose en choisissant immédiatement de l'appliquer à un visage de femme. J'ai trouvé la définition du beau, de mon beau. C'est quelque chose d'ardent et de triste. Quelque chose d'un peu vague, laissant carrière à la conjecture. Je vais, si l'on veut, appliquer mes idées à un objet sensible, à l'objet par exemple le plus intéressant dans la société, à un visage de femme. Une tête séduisante et belle, une tête de femme, veux-je dire, c'est une tête qui fait rêver à la fois, mais d'une manière confuse, de volupté et de tristesse. Qui comporte une idée de mélancolie, de lassitude, même de satiété. Soit une idée contraire, c'est-à-dire une ardeur, un désir de vivre, associé avec une amertume refluente, comme venant de privation, ou de désespérance. Le mystère, le regret sont aussi des caractères du beau. Une belle tête d'homme n'a pas besoin de comporter, aux yeux d'un homme bien entendu, excepté peut-être aux yeux d'une femme, cette idée de volupté qui, dans un visage de femme, est une provocation d'autant plus attirante que le visage est généralement plus mélancolique. Je ne prétends pas que la joie ne puisse pas s'associer avec la beauté, mais je dis que la joie est un des ornements les plus vulgaires, tandis que la mélancolie en est, pour ainsi dire, l'illustre compagne, à ce point que je ne conçois guère un type de beauté où il n'y ait du malheur. Appuyé sur ces idées, on conçoit qu'il me serait difficile de ne pas conclure que le plus parfait type de beauté virile est Satan, à la manière de Milton. Où l'on découvre, André Guyot, que la joie est un des ornements les plus vulgaires et que Baudelaire ne conçoit pas un type de beauté où il n'y ait du malheur. Oui, en effet. Et avec cette allusion à Milton, un passage du Paradis perdu de Milton, donc poète anglais du XVIIe siècle, qui fait de Satan une sorte de figure implicitement de la beauté. Je ne sais pas si tout le monde a à l'esprit les mots de Milton. Sans je les donne pas, en français dans la traduction de Chateaubriand, puisque c'est Chateaubriand qui a traduit Milton. Mais son visage, donc il parle de l'ange déchu, il parle du diable, il parle de Satan. Mais son visage est labouré des profondes cicatrices de la foudre et l'inquiétude est assise sur sa joue fanée, sous les sourcils d'un courage indompté et d'un orgueil patient, veille la vengeance. Voilà. On dirait que Baudelaire a trouvé un autoportrait, là, ce qui fait du désir de vengeance aussi une grande inspiration de son œuvre. Hein. Voilà. Et c'est la fin de ce texte hein, qu'on oui. trouve dans Fusée. Le plus parfait type de beauté virile est Satan. À la manière de Milton, oui, il précise à la manière de Milton. Mais il identifie quand même la beauté au diable. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Plus c'est effrayant, plus c'est mal, plus c'est beau? Oui, mais j'ajouterai quand même quelque chose. Il y a donc ce tropisme de la beauté vers la douleur, la souffrance, la blessure, la chute. Mais il y a chez Baudelaire la nostalgie d'une autre beauté, parce qu'il n'est pas insensible non plus à la beauté qui est l'objet de l'art depuis l'Antiquité, les Vénus et les Apollons sculptés qui vont jusqu'à un certain art du XIXe siècle. Hein. Il dit dans L'étranger, on demande à l'étranger « qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimeriez la beauté ?»« Je l'aimerais déesse et immortelle. » Or, elle n'est pas déesse et immortelle. « Je l'aimerais si. » Donc, il y a cette pensée vers ce qu'elle n'est pas, mais ce qu'elle pourrait être dans une sorte de perspective, hein, de conjecture d'une beauté autre qui ne serait pas la beauté blessée. Mais la beauté blessée, c'est la sienne, hein, bien sûr. C'est celle qui lui est le plus familière, immédiate, je dirais, qu'il rencontre dans la rue, pratiquement, et qu'il défend. Et oui, c'est ça, il parle quand même de beauté à l'égard de la blessure, parce que la blessure, on est entre la déesse et le monstre. Oui. La blessure est proprement humaine. Oui. Donc oui, il est sensible à ce type de beauté qui est humaine et pas autre. Elle vient de la chute. Il dit à un certain moment, c'est un autre passage, je crois, de Fusée ou de Mon cœur mis à nu, enfin de ces fragments autobiographiques, il énumère les types de beauté de la femme, et l'air blasé, l'air timide, etc. Et aucun n'est la beauté normale, la beauté sereine, la beauté placide, la beauté calme. Il y a toujours quelque chose d'un peu qui abîme l'idée toute faite, un peu, parce qu'il dérange notre idée toute faite de la beauté, me semble-t-il. Même encore maintenant, je pense que... Et en tout cas, surtout au XIXe siècle. Il a ce désir de faire en sorte que la beauté déesse, la beauté d'équilibre et d'harmonie puisse renaître à la fin d'un des petits poèmes en prose qui s'appelle « Le fou et la Vénus oui. ». Il décrit comment le fou se dit au pied d'une colossale Vénus. Il dit « Je suis le dernier, le plus solitaire des humains, privé d'amour et d'amitié, et bien inférieur en cela au plus imparfait des animaux. Cependant, je suis fait, moi aussi, pour comprendre et sentir l'immortelle beauté, Ah, déesse, ayez pitié de ma tristesse et de mon délire. Mais l'implacable Vénus regarde au loin je ne sais quoi avec ses yeux de marbre. Voilà, ben on peut traduire, je crois, cette allégorie. Le fou, c'est nous, c'est lui, c'est tout le monde. C'est-à-dire la beauté, elle ne nous regarde pas. Elle existe pour elle-même. Cette beauté-là, du moins, cette beauté qui se voudrait éternelle, classique, si l'on veut transporter dans le domaine de l'art. Et j'ai retrouvé le petit passage, là, c'est dans Fusée, justement. Les airs charmants qui font la beauté. Il pense à des femmes, évidemment. Mmh. Et c'est l'air blasé, l'air ennuyé. L'air ennuyé, c'est dans la beauté. L'air évaporé, l'air impudent, l'air froid, donc insensible. L'air de regarder en dedans. L'air de domination, l'air de volonté, l'air méchant, l'air malade. Voilà, c'est toutes les formes de la beauté. Il n'y en a pas une qui soit la beauté saine, sereine... classique, que l'on continue quand même, nous, d'identifier à la beauté. Mais c'est quand même l'ambivalence de Baudelaire à l'égard de la beauté, c'est qu'il y a vraiment les deux. Il y a la nostalgie de la beauté divine et le goût pour la beauté blessée. Oui, comme s'il tirait la conclusion de la chute en disant « le monde de la chute ne peut pas toucher à la beauté dont nous pouvons éventuellement rêver, mais il a... nous pouvons voir dans le monde et dans l'art l'autre forme de la beauté touchée par le bizarre. » C'est ça, c'est quand même le projet poétique de Baudelaire, c'est qu'à travers l'écriture, les mots qu'il emploie de manière quasiment artisanale, il va essayer de tirer quelque chose de ce qu'il a devant lui. Je vous propose qu'on écoute un extrait, c'est l'ébauche d'un épilogue pour la deuxième édition des Fleurs du Mal, où on trouve à la fin cette formule qui est resté célèbre et qu'on ne trouve pas dans les Fleurs du Mal, qui à partir de la boue, il a fait de l'or, écoutez. Tranquille comme un sage et doux comme un maudit, j'ai dit, je t'aime, ô ma très belle, ô ma charmante, que de foi. Tes débauches sans soif et tes amours sans âme, ton goût de l'infini qui partout dans le mal lui-même se proclame, tes bombes, tes poignards, tes victoires, tes fêtes, tes faubourgs mélancoliques, tes hôtels garnis, tes jardins pleins de soupirs et d'intrigues, tes temples vomissant la prière en musique, tes désespoirs d'enfants, tes jeux de vieilles folles, tes découragements, et tes feux d'artifice, éruptions de joie qui font rire le ciel muet et ténébreux. Ton vice vénérable étalé dans la soie, et ta vertu risible au regard malheureux, douce, s'extasiant au luxe qu'il déploie. Tes principes sauvés et tes lois conspuées, tes monuments hautains où s'accrochent les brumes, tes dômes de métal qu'enflamme le soleil, tes reines de théâtre aux voix enchanteresses, tes tocsins, tes canons orchestres assourdissants, tes magiques pavés dressés en forteresse, tes petits orateurs aux enflures baroques prêchant l'amour, et puis tes égouts pleins de sang, s'engouffrant dans l'enfer comme des orénoques, tes anges, tes bouffons neufs aux vieilles défroques, anges revêtus d'or, de pourpre et d'hyacinthe, ô vous, soyez témoins que j'ai fait mon devoir, comme un parfait chimiste et comme une âme sainte, car j'ai de chaque chose extrait la quintessence. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Un poème, un texte lu par Hélène Losseur sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Le programme, si on peut parler de programme, ou l'engagement poétique de Baudelaire s'entend à la fin de ce texte, André Guyot. Ô vous, soyez témoins que j'ai fait mon devoir comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. Oui. C'est un devoir et il a besoin de témoins. Oui. L'écriture. Et il faut rappeler qu'il n'a pas voulu publier ce poème, finalement. Et c'est curieux d'ailleurs, parce qu'il l'a... Il y a deux versions, celle-là notamment, qui est la plus longue, d'un épilogue qu'il avait prévu d'ajouter donc à la deuxième édition des Fleurs du Mal en 1861. Vous évoquiez tout à l'heure la première en 1857. Donc le procès a lieu, il le procès publie une deuxième lieu, version. Oui, il cherche à compenser ce qui résulte du procès, il prépare une deuxième édition assez vite, et la deuxième édition est très enrichie. Bon, elle fait évidemment abstraction des poèmes condamnés, les six poèmes condamnés ne peuvent plus être publiés. Mais il en met d'autres, et alors il avait pensé à un épilogue, mais il a dû se dire d'abord qu'il y avait une sorte de prologue dans les Fleurs du Mal, au lecteur, le fameux poème sur l'ennui. Justement, voilà, une autre forme de beauté dans le mal ou de mal dans la beauté, qui est l'ennui, dont on parlait tout à l'heure. Alors, il a renoncé à cet épilogue aussi parce qu'il faut comprendre le « tu ». auquel s'adresse Baudelaire, c'est Paris, c'est la ville. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or, c'est Paris. C'est Paris. La boue donc de la Paris. Boue, c'est ce qui coule à Paris, ce sont les détritus évacués avant l'invention de la poubelle, ce sont... Oui, voilà, c'est ça. Et j'en ai fait de l'or, donc j'ai pris le mal sous sa forme la plus... radical et vulgaire dans la ville, comme ça, c'est ce qui n'est pas beau, ni bon, ni ne sent pas bon, et j'en ai fait de l'or. Voilà, comme un alchimiste, hein, il a cette métaphore de l'alchimiste qui transforme en or. Voilà, c'est son idée, et c'est le dernier vers, en effet, de cet épilogue. Mais c'est très fort comme affirmation, parce que ça veut dire, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or, ça veut dire que cette boue-là, il ne dit pas le mal, il ne dit pas l'ennui, il ne dit pas le péché, il parle de la boue, qui est quand même quelque chose de matériel et de naturel, qu'il voit dans la ville. Oui. Donc c'est vraiment une manière de regarder ce qu'il y a devant lui, là, sans Dieu, sans beauté ni rien, et de vouloir le transformer. C'est presque une mission qu'il se donne. Il y a plusieurs sens, notamment celui que vous suggériez, c'est-à-dire effectivement, c'est une forme naturelle, la boue, et j'en ai fait quelque chose qui n'est pas artificiel en soi. L'or n'est pas artificiel, mais l'or fabriqué est artificiel. Donc il y a l'idée de tirer l'artificiel du naturel. Et pourquoi regarder la boue, entre autres choses? On est obligé de la regarder, je vous signale, à Paris au 19e siècle. Elle existe, hein. Ce n'est pas le Paris de notre époque. Hein. Il y a d'autres formes de la ville. Elle coule vers la Seine, elle entre dans les égouts. Il y a quelque chose que n'importe quelle Parisienne ou Parisien qui sort dans la rue voit et touche même par les pieds. Hein. Et Baudelaire est hypersensible à ça. On disait, on s'est un peu moqué de lui en disant qu'il avait des souliers vernis, qu'il essayait d'éviter les flaques et la boue et la pluie, comme nous aujourd'hui. Voilà. Donc, elle existe, la boue. Ce n'est pas quelque chose qui est une invention. Et il en fait de l'or. Dit-il. Mais il choisit, elle existe, elle est là, mais il choisit de s'en emparer. C'est peut-être ça qui est surprenant. Il pourrait détourner le regard. Oui, et d'en faire comme pour n'être que lui, et écarter de lui ce qui est sa matière, ou la dégrader, c'est-à-dire « tu m'as donné ta boue », c'est-à-dire c'est la pire chose qu'on puisse donner, hein, de la boue, une ville. Pourtant, Dieu sait s'il y a pris beaucoup d'autres choses. Hein. Je crois aussi qu'il a évité de mettre cet épilogue à l'issue des Fleurs du Mal, parce qu'il pensait à un autre recueil qui va devenir le Spleen de Paris, hein, et qui est consacré, et que cet épilogue s'adressait à Paris, c'est peut-être pas le cas de s'adresser à Paris à la fin des Fleurs du Mal. Mais il a un plaisir aussi à décrire les scènes parisiennes, à décrire ce qui est sordide. Oui, c'est pas uniquement de la provocation, ça lui plaît. Oui, bien sûr. Cette boue-là, Cette boue-là, elle est dans les tableaux parisiens. C'est les petites vieilles, c'est les sept vieillards, c'est le cygne. C'est-à-dire, c'est pas de la boue, mais enfin, c'est d'autres matières qu'il traite de la même manière et dont il fait de l'or. Oui. Est-ce que c'est le premier à s'intéresser à ces sujets-là? Est-ce qu'il y a une esthétique nouvelle là? Oui, sans doute, mais enfin, c'est pas le premier à s'intéresser à Paris et à ce qui se dégage à la boue. Je crois que c'est très présent dans la littérature depuis le 18e siècle, et même peut-être avant. Mais en tout cas, dans le tableau de Paris de Mercier ou dans de grands textes sur Paris, on trouve ces éléments liés à une vie parisienne. En ce qui concerne Mercier, donc Louis-Sébastien Mercier, l'auteur du tableau de Paris, pour dénoncer un caractère malsain de la vie parisienne, hein, qui va s'aérer avec Haussmann, qui va dégager les grands boulevards et mieux canaliser les égouts pour que justement la boue ne soit plus là. C'est pas nouveau, ça. Baudelaire n'invente pas quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est la volonté d'embellir, de transformer cette boue en or? Oui, d'en faire un sujet poétique, moderne, plus affirmé, plus divers aussi, et se tournant vers des types sociaux, comme les petites vieilles, les fameuses petites vieilles, avec l'ambiguïté du regard sur elles, un regard à la fois sympathique et cruel, hein, avec cet oxymore du sentiment positif et négatif. Et toujours, je disais, le péché. Là, j'ai retrouvé cette formule-là, quand vous disiez « le beau est toujours bizarre », cette petite phrase est suivi d'un petit développement qui se termine de cette manière. C'est son immatriculation, sa caractéristique. C'est son immatriculation. C'est un mot extrêmement intéressant, c'est pas un mot ordinaire. Donc ça veut dire que il est nécessaire, le bizarre. Il définit le beau. Et immatriculation, dans immatriculation, il me semble qu'il y a la marque, il y a le sceau, il y a à nouveau le péché, la chute. Il y a quelque chose qui marque l'homme jusque dans la beauté, les formes de la beauté. Il y a un poème de Baudelaire qui s'appelle « La beauté ». Oui. Qui connaît beaucoup de versions, qu'elles soient lues, qu'elles soient musicales. En voici une version de La beauté, interprétée par Louis. Je suis belle, oh mortelle. Comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trouve dans l'azur comme un sphinx incompris, j'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments consumeurs, ont leurs jours en d'austères études, car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles. La beauté de Charles Baudelaire, interprétée par le chanteur Louis. Dans ce poème, André Guyot, Baudelaire s'adresse à tous les poètes et à tous les artistes en réalité, parce qu'on ne peut pas créer sans se poser la question du beau, ne serait-ce que pour le rejeter, le beau. Et il se glisse dans la peau de la beauté qui s'adresserait aux créateurs, aux artistes, d'où la postérité aussi de ce poème, hein, pour les chanteurs, parce qu'elle a été beaucoup interprétée, etc. Il y a quelque chose ici d'encore plus déprimant presque, parce que quand il fait parler de la beauté, alors il n'y a vraiment plus d'issue. Si la beauté nous dit elle-même qu'elle n'est pas là pour nous plaire, qu'elle est inaccessible, autant renoncer. Qu'elle ne veut pas de nous, oui. Oui, c'est l'autre beauté inspirant la nostalgie, dont on se demande s'il existe cette autre beauté, mais en tout cas qui est l'objet d'un désir qu'on ne peut pas éteindre, intarissable et en même temps qui n'aboutit pas. La beauté est inaccessible, c'est un lieu commun là, que la beauté soit inaccessible. J'ai l'impression que ce poème, qui est un sonneur, là, il était bien lu d'ailleurs, je trouve, parce que ce ton languissant de la demande sans réponse et convient bien, me semble-t-il. Oui, il y a une sorte de plainte. Voilà, c'est ça, une complainte. La beauté s'adresse sous le sens, c'est un défi qu'elle lance à l'homme, et en même temps c'est comme si elle empruntait à l'homme désespéré la complainte de sa demande à lui d'elle. N'est-ce pas ? Il y a un paradoxe de la lecture qui a été faite n'a pas ce ton qui pourrait être celui de la du défi, de l'arrogance, je suis la beauté, etc. Que me veux-tu, tu n'auras rien. Non, elle emprunte caractère dolent, languissant presque, et de supplique de celui qui n'atteint pas la beauté, que la beauté ne regarde pas. Donc c'est cette autre beauté qui existe quand même, donc dans une sorte de postulation. Elle est là, elle nous regarde, elle est de marbre, et il dit à ce vers, je hais le mouvement qui déplace les lignes, ou bien, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris, c'est-à-dire le contraire de la beauté qu'on venait d'essayer d'expliquer comme étant la beauté de Baudelaire, qui pleure, qui rit, justement, et qui déplace les lignes. C'est le classicisme qui ne déplace pas les lignes, et c'est l'inflexion baroque et d'autres esthétiques qui les déplacent. Donc il y a comme le reniement là de quelque chose qui est, enfin pour la complexité de la chose, je dirais tant mieux, hein, mais quelque chose qui est contraire à l'idée qu'on vient d'essayer d'expliquer de la beauté selon Baudelaire, qui veut le bizarre, qui veut le difforme, qui déplace les lignes. Il y a donc une beauté qui dit quand même le contraire. Quelle est la différence entre cette beauté et Dieu ? Ah ben, il ne doit pas y en avoir beaucoup, je crois. En tout cas, elle est déesse et immortelle. Elle aussi. C'est ça, dans cette beauté, on y entend le goût d'un absolu déchu, le goût peut-être d'une transcendance, mais à laquelle on n'aurait jamais accès. Oui, mais en même temps, l'art, la beauté, le beau et la beauté, il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas distingué, qui veut peut-être une toute petite explication. Il dit la beauté quand il la fait parler sous cette forme allégorique, et il dit le beau quand il essaye de comprendre et de définir. Ah, c'est pas pareil, alors, la beauté et le beau. C'est pas tout à fait pareil. Donc, il y a, la beauté se prête, comme quand il dit ma beauté à la fin, mais une petite inflexion allégorique, plus ou moins accentuée. Tandis que le beau, c'est le concept. Le beau, c'est ce qu'il essaye de comprendre, qu'il essaye de théoriser. Et quand il parle de la beauté, il se laisse tenter par cette autre beauté éternelle et froide. Et quand il parle du beau, plutôt, alors il va vers sa pensée esthétique, sa pensée du beau. Donc c'est là qu'il y a une petite distinction qui mérite d'être faite entre les deux mots. Baudelaire n'est pas seulement un artisan poète, c'est aussi un théoricien. Oui. Il écrit beaucoup de textes pour réfléchir à la peinture et à l'esthétique, au sens fort du terme. Sur l'art en particulier, c'est des textes magnifiques. Et c'est là, tout ce qu'il écrit sur l'art montre qu'il est sensible à cette autre beauté, surtout quand il parle de Delacroix, et pas seulement de Delacroix, de Manet. Il est sensible à l'art moderne, et l'art moderne, il le ressent comme un art qui a perdu quelque chose, comme l'homme a perdu quelque chose au moment du péché, et l'art perd aussi quelque chose d'une tradition, d'une technique même peut-être, pour accéder à ce que nous appelons l'art moderne, qui est en train de naître pratiquement à l'époque de Baudelaire, puisque ce sont les débuts de Manet. C'est ce que nous disait hier Jacques Darula quand on parlait de Kant, que l'esthétique de Kant avec... l'hypothèse ou la thèse selon laquelle le beau serait finalement sans concept ouvrait toute une modernité artistique, et ça s'applique très bien à Baudelaire. Le beau est bizarre. Baudelaire est assez proche de cette idée, il me semble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept. Voilà, justement. Parce qu'il essaye de définir le beau, il le fait très bien, je crois. Et on peut en discuter. Et en même temps, il laisse la question ouverte, me semble-t-il. Il ne pense pas que l'esthétique soit quelque chose de fermé chez Baudelaire. Il s'attend d'ailleurs à chaque occasion de voir, de découvrir un peintre, de voir un nouveau tableau, ou d'aller visiter un salon ou une exposition, au nouveau. Il s'y attend et il y est prêt. C'est ce qu'il dit dans un des petits poèmes en prose. Il imagine un dialogue. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique ? Il dit ton père, ta mère, ta sœur, ton frère. Non, je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Oui. Tes amis, vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, je l'aimerais, haïs, déesse et immortelle. L'or, je le hais comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages qui passent, là-bas, les merveilleux nuages. Voilà. Ce qu'il y a de plus éphémère et mouvant qu'un nuage. Oui, et j'oserais dire que dans la fin, donc il n'aime que ça, les nuages, il y a quand même la beauté, me semble-t-il. On ne peut pas tellement récupérer la patrie ni la famille dans les nuages. La beauté qui était envisagée avec ce conditionnel « je l'aimerais si », c'est ce que signifie « déesse et immortelle »,« je l'aimerais déesse et immortelle », elle revient d'une certaine manière dans les nuages. Les peintres ont peint les nuages. Le nuage est un objet de l'art. Donc on peut comprendre, nuancer un peu l'exclusion de tout que proclame cet étranger, qui porte bien son nom. Pourquoi est-il étranger ? Il est étranger parce qu'il n'est de rien. C'est la manière de désigner quelqu'un qui n'appartient à rien. L'homme libre, si vous voulez. On peut y voir le bohémien, on peut y voir quelqu'un qui voyage, on peut y voir quelqu'un qui n'a aucune attache d'aucune sorte, ni famille, ni patrie, ni argent, ni métier, probablement, c'est sous-entendu. Mais il y a, me semble-t-il, la déesse qui est là, dont il rêve, je l'aimerais si, mais donc il y pense. Et il y a les nuages. Il y a les nuages. Moi, les nuages, je les vois dans la peinture. On regarde les nuages comme une forme de beauté naturelle. On dit souvent que Baudelaire est du côté de l'artificiel et pas du tout du côté de la nature. Oui, du maquillage. Oui, mais c'est évident. Mais il faut... tout dire, et y compris quand certaines contradictions méritent d'être relevées. Un des passages, je crois que c'est dans Fusée, dans Mon cœur mis à nu également, où il envisage la beauté, c'est devant le spectacle de la mer. C'est le sommet de la beauté offert à l'homme. C'est être sur une plage, sur un rocher, devant la mer, et regarder le spectacle de la mer. Voilà. C'est la beauté absolue. Bah, il aime la nature quand elle lui renvoie vers un ailleurs. Que ce soit les nuages ou la mer laissent penser qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a un autre monde, ce qu'il cherche, anywhere out of the world, c'est ça? Oui. Il reste très ambigu devant la nature, hein, parce qu'il a des proclamations très, très fortes et très négatives contre la nature, qui nous interpelle aussi, nous qui divinisons un peu dans notre époque, hein, la nature, le naturel. Le bio, comme on dit dans le jargon actuel, mais lui, bon, il mange la tapio, non? Ouais, je ne sais pas s'il mange, mais en tout cas, il y a quelque chose qui contredit tout ça dans sa pensée, oui. Je ne croirais jamais que les poireaux ont une âme, dit-il quelque, certainement, ou quelque chose comme ça, je le paraphrase. Mais c'est ça. Alors, comment, un dernier angle à aborder avec vous, André Guyot, quelle différence entre la beauté et la pensée du beau chez Baudelaire et cette phrase? Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Cette phrase. Elle est de Rimbaud. Qui est de Rimbaud. Qui n'est pas toujours tout à fait baudelairien, oui. Mais quelle est la différence? Je ne crois pas qu'il y ait un fétichisme de la beauté et de l'art chez Rimbaud comme il a pu exister dans l'esprit de Baudelaire. Rimbaud d'ailleurs n'aimait pas trop les musées, il rêvait de mettre à la poubelle ou de brûler le contenu du Louvre. C'est un propos rapporté, mais il aurait dit ça. Et en même temps, il interprète, c'est comme ça que je comprends cette phrase qui est une phrase de rupture. C'est à la fin d'un des chapitres d'une saison en enfer, il dit, c'est fini, voilà, je ne me regarde plus de ce côté-là. C'est le prologue, je crois. Oui, je ne regarde plus de ce côté-là et j'ai terminé cette sorte de carrière qui était où ce fragment de ma vie qui était un contrat avec des formes d'esthétique. Voilà, c'est comme ça que je comprends. Mais oui, jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai pris la beauté sur mes genoux, je l'ai trouvée amère, je l'ai injuriée, je me suis armée contre la justice et je me suis enfuie. Oui. C'est voilà, une rupture, c'est donc la beauté sera derrière lui. Ah oui, il me semble, on peut comprendre comme ça, oui. La saison de l'enfer, une saison de l'enfer, est un grand texte de clivage existentiel, c'est-à-dire c'est fini d'un certain type de vie, c'est un rôle que nous accordons tous à l'écriture, c'est-à-dire terminer quelque chose, l'écrire pour tourner la page. Et c'est très clair dans le cadre Rimbaud, et ce prologue magnifique le dit bien, et continue de le formuler dans toutes les parties d'une saison en enfer. C'est-à-dire qu'à la différence de Baudelaire, il y a moins de nostalgie pour une beauté divine. Il n'y en a pas du tout même, c'est ça. Il ne semble pas, hein. Non. Ouais, il est plus jeune. Il est plus jeune et il y a quelque chose de l'ordre de l'obstacle, du refus, que Baudelaire n'est pas de cette espèce-là. Il ne me semble pas. Si Rimbaud est d'une certaine manière baudelairien, du moins dans sa vie littéraire, Baudelaire n'est pas anticipativement rimbaldien, me semble-t-il. Il y a une chose que Baudelaire dit à propos des fleurs du mal, il dit la seule chose qu'on ne pourra pas me reprocher, c'est de dire que ce texte est sans ordre. Il dit il y a un début, un milieu, une fin. Pourquoi cette importance de l'ordre au sein des poèmes? Oui, parce qu'il voulait qu'il y ait un message et une unité dans son recueil. C'était un argument un peu opportuniste en réponse préconçue et donnée à son avocat, à ses juges, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas condamner certains poèmes et ne pas en condamner d'autres, que c'était tout ou rien. Dès lors qu'on ne peut pas faire cette division, cette soustraction, il faut l'unité du recueil. Il faut la pensée globale, l'unification du recueil. Mais il le dit, ça lui coûte pas trop cher de le dire, et en même temps, aller trouver la justification étape par étape du classement des poèmes dans les parties et du jeu des sections des fleurs du mal dans le recueil, c'est pas facile, n'est-ce pas? On peut peut-être imaginer beaucoup de choses, mais enfin, il a aussi ce complexe de l'architecte, c'est-à-dire celui qui, le créateur est un architecte. Donc il conçoit les rapports entre les parties, il a un plan dans la tête. Maintenant, bien malin est celui qui, pas à pas, justifie ce plan, dans le cas des Fleurs du Mal. D'ailleurs, il y a une édition des Fleurs du Mal, et puis il y en a une deuxième qui lui ressemble sans lui ressembler, donc le plan a changé. Donc il y a fluctuation du plan aussi. Je veux bien qu'il ait été arrêté en 57, mais en 61, il change quand même. Donc ça veut dire que la beauté passe aussi quand même par un ordre, même s'il est injustifiable. Oui. Et peut-être retrouve-t-il là, renoue-t-il là avec cette beauté harmonieuse dont il fait aussi le deuil par ailleurs. Oui, par un ordre et par une forme. Baudelaire est extrêmement sensible à la forme. parce qu'il croit que tout son génie est là, c'est-à-dire dans la domination d'une technique, une écriture en vers qui est quand même très stylisée, très dominée, très soignée, très exigeante. Et voilà, c'est un grand formaliste, Baudelaire. Mais tous les poètes le sont, contrairement à une idée reçue qui veut qu'il ne le soit pas. Tous les poètes le sont. Formaliste, et heureusement, il n'a pas sacrifié le contenu non plus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur la beauté. Merci beaucoup, André Guyot, d'être venu nous en parler. Je vous en prie. Aujourd'hui, je renvoie aux ouvrages que vous avez écrits sur Baudelaire, Le Paris de Baudelaire, notamment aux éditions Alexandrine. Je signale aussi que paraîtra bientôt, un volume en pléiade sur l'écrivain Huysmans, dont vous vous occupez par ailleurs. On a hâte de vous lire. Et on se quitte avec Beau comme Bowie, Isabelle Adjani. Mal au féminin, légèrement filé, un peu trop félin. Tu sais que tu es. Beau comme Bowie, d'ailleurs j'y pense, André Guyot, Beau et Baudelaire commencent de la même façon. Oui, oui, en effet. Du moins c'est une homonymie trompeuse, parce que c'est une autre étymologie le mot de Baudelaire. Mais on y entend, nous, Beau, et la faute était très courante, elle l'est encore, je crois d'ailleurs. Mais il y était extrêmement sensible, il n'aimait pas qu'on orthographie mal son patronyme et qu'on écrive son nom B-E-A-U au lieu de B-A-U. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on passe d'Isabelle Adjani à Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Je vous parle aujourd'hui d'indignation. Mais à voir les polémiques qui se multiplient, les prises de position scandalisées, les récits outrés et pas seulement sur les réseaux sociaux, on est tenté de se demander pourquoi il faudrait en parler tant l'indignation est devenue une manière d'être, une habitude, un réflexe. Des événements les plus graves aux plus dérisoires, tout est en effet sujet à indignation. Tout devient sérieux, pesant, insupportable. D'une installation artistique à un bus en panne, d'une prise de parole de Macron à un rond-point bloqué par des gilets jaunes, au point que des drames et des questionnements essentiels soient noyés dans ce flot de révolte, au point que l'indignation d'un tel ne soit soluble que dans l'indignation d'un autre. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à faire de l'indignation quelque chose de normal, d'habituel? Et c'est un comble pour ce qui se définit comme un refus ferme et violent, quelque chose d'acceptable. Faut-il en finir avec l'indignation? Je suis surtout préoccupé par le fait qu'il y a un écart complet entre les forces politiques officielles et la jeunesse française. La jeunesse française n'est pas satisfaite de la façon dont elle est gouvernée. Elle le manifeste. Autour de la retraite, il y a eu beaucoup de manifestations, mais c'est pas seulement la retraite qui les mobilisait. C'est aussi le sentiment qu'ils ne sont pas vraiment écoutés, ni par les gouvernements, ni par les grandes formations politiques. Et il me paraît urgent qu'il y ait une mobilisation citoyenne comme celle que nous avons connue pendant que la France était occupée et que Vichy gouvernait. Il y avait une résistance qui se rendait compte qu'elle n'avait pas le pouvoir, mais qu'elle devait avoir voix au chapitre, qu'elle devait pouvoir dire ce qui lui paraissait insupportable. Aujourd'hui, nous en avons plus que jamais besoin, et ce petit livre marque ce qui, à mon avis, est une étape. Nous ne sommes plus uniquement à l'écoute des grandes forces politiques, nous sommes à l'écoute d'une jeunesse capable d'avoir une vision écologique et européenne plus forte que les partis, les grands partis, et c'est ce qui me rend optimiste sur la façon dont la France va dépasser les crises actuelles. tout remonte à Stéphane Hessel et à son court essai « Indignez-vous » publié en 2010. Véritable best-seller, son appel à l'indignation a donné lieu au mouvement mondial des indignés encore actif aujourd'hui. Il a su saisir l'air du temps, traduire en mots et pousser à l'action ce qui était déjà en germe chez des millions de gens. Mais pourquoi ? Pourquoi l'indignation est-elle devenue si normale, si acceptable ? On pourra répondre que c'est l'état du monde qui justifie cette indignation, l'urgence climatique, les inégalités criantes, mais pourquoi tout est-il sujet à indignation ? Pourquoi cet état est-il devenu une nouvelle manière d'être, presque une transformation anthropologique ? Déjà, au moment de la parution de l'essai de Stéphane Hessel, plusieurs sceptiques avaient fait entendre leur voix. Bon sentiment, refus de la passion contre la raison, on reprochait à l'indignation de devenir facile, consensuelle, à rebours de sa définition, et de favoriser nos pulsions contre l'usage de notre tête, d'être moralisatrice et non plus morale. L'indignation, de fait, était moins travaillée et chantée qu'une autre notion, la dignité. That man looking at a shining steel, thin man looking at his last meal, holler man looking in a cotton field for dignity. Wise man looking at a blade of grass, a young man looking in the shadows that pass, poor man looking through painted glass for dignity. Au départ, la dignité, la dignitas dans la tradition romaine puis moderne, avec Hobbes notamment, n'est que le signe extérieur du rang d'un homme. C'est un signe social, politique, public. C'est avec Kant et ses fondements de la métaphysique des mœurs en 1785 que la dignité accède au sens qu'on lui connaît. C'est la valeur morale d'une personne qui exige qu'elle ne soit jamais traitée comme un moyen, mais comme une fin. Ce qui a un prix, nous dit-il, peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre, à titre d'équivalent. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Et de poursuivre que seule une personne, une fin en soi, a ainsi une dignité. C'est bien cette définition qu'on retrouve aujourd'hui dans le concept juridique de dignité humaine relatif à l'interdiction de la torture ou à l'intégrité de la personne. Dans ce sens, s'indigner reviendrait à vouloir sortir de soi, de son humanité. Paradoxal pour l'indignation qui veut défendre des valeurs humaines, un meilleur traitement de soi, tout en sortant de ce qui fait précisément sa valeur. Au-delà de l'agacement à entendre partout de l'indignation, faut-il ainsi en finir avec cette indigne indignation ? Peut-être, autre possibilité, faudrait-il tenter de penser une indignation digne. Mais digne de quoi alors ? De qui ? À quelles conditions ? Qui pour décider de ce qui est digne ou pas ? Ce qui est intéressant toutefois, c'est que la dignité elle-même rencontre les mêmes critiques que l'indignation. La dignité serait aussi un concept fourre-tout, bien-pensant, pétri de bons sentiments. Faudrait-il alors en finir tout court avec ces termes, mais pour les remplacer par quoi ? Pour faire entendre avec force toute demande de considération. Pour poursuivre la question de la dignité, je vous conseille le livre d'Éric Fiat, Petit traité de dignité, grandeur et misère des hommes, c'est paru aux éditions Larousse. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec le reste de l'équipe des Chemins de la Philosophie, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était YouTube Diego Aclopez. À la lecture des textes, Hélène Losseur et Georges Kless. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur la beauté. Demain, nous serons en compagnie de Laurent Laveau qui viendra parler de Plotin à partir de cette question. La beauté est-elle d'abord intérieure ? Voyage en terre plotinienne, ça ce sera demain à 10h. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission sur Charles Baudelaire, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques, vos commentaires, on sera ravis d'échanger avec vous. À demain, 10h sur France Culture, mais d'ici là, restez à l'écoute.